c'est bizarre ce qui reste. Parce que tu vois, il y a un mur. Et des fois, quand il y a une tapisserie, il y a des gens qui s'amusent à faire le contour avec des petites lattes. Là. Ben, il y a le mur, il n'y a plus la tapisserie, et il y a ça. Les petites trucs lattes, là. Comme ça, un espèce de carré avec les coins rentrés. Mais qu'est-ce qui te fait abandonner une maison ? Tu vois, tu l'as toute, ça se vend pas. Ça se vend pas, donc... Oui, si. Donc, mais t'as la terre, elle se vend quoi ? Au moment où tu vends la maison, donc ils ont voulu la vendre. Ou alors c'est quelqu'un qui était là, c'était un petit vieux, il est mort, et puis c'est un héritage pour tout le monde qui est venu. Voilà. Ou alors ça a été racheté par la mairie. Et... Ouais. Sûrement, quoi. Ouais, mais bon, moi, enfin, si j'héritais d'un truc comme ça, je sais pas. Tu pourrais pas forcément t'en occuper. Oh, moi, je la revendrais.